55 minutes. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 29 novembre 2022. Voici les grands titres. Des propriétaires des parcelles situées dans le site Kizingwe Bihara ont fait un sit-in devant le ministère en charge des infrastructures et c'était pour réclamer des attestations d'attribution de leurs parcelles qu'ils n'ont pas eues depuis plus de 10 ans, comme ils le disent. Reportage à suivre. Dans ce journal, nous poursuivons la lecture de la loi de janvier 2013 portant organisation et fonctionnement de l'Ombudsman burundais. Et dans la chronique santé, ce sera à la fin de ce journal. Vous en saurez davantage sur la rétinopathie diabétique. Ce sera avec l'ophtalmologue Dr Lévi Kandeke. Voilà pour le sommaire. Bonjour. Pour ouvrir ce journal, certains habitants de la ville de Bujumbura se réjouissent aujourd'hui de trouver facilement le sucre dans les boutiques. Ceux qui se sont exprimés sur la radio Isanganiro remercient le gouvernement qui a rendu disponible ces denrées de première nécessité qu'ils obtenaient à peine récemment. Ils demandent à l'État d'en faire autant pour les autres produits comme le ciment Bousseco et le carburant de type essence. Suivez ce micro-baladeur de la rédaction. Et ce que je peux dire à propos de ce sujet, c'est que vraiment, nous remercions l'État de ce qu'il a fait pour la disponibilité du sucre. Nous voyons que pour le moment, on peut acheter le sucre outillé, que ce soit dans les boutiques. Mais auparavant, on voyait que c'est très difficile. Même ce qu'il vendait, il le vendait en cachette, mais pour le moment, on peut l'acheter facilement. Et moi, en tant que le citoyen de la mairie de Bujumbura, je tiens à remercier notre cher gouvernement, puisque la fois passée, on remarquait la pénurie du sucre de la Sosumo. Mais pour le moment, le sucre est là, partout dans des boutiques et dans des alimentations. Ce que je demanderai à l'État, c'est qu'il fait tout ce qu'il faut pour que l'essence soit disponible, parce que nous voyons que si il y a la pénurie de l'essence, c'est la source de toute hausse des prix, parce que même les vendeurs disent que à l'absence de l'essence, le déplacement de ces denrées alimentaires vont monter. Alors, nous demanderons à l'État afin qu'il fasse tout ce qu'il faut pour que l'essence soit disponible. Aussi, je dirais à propos du ciment, que le ciment soit disponible pour que même ceux qui construisent les maisons le fassent. Je dirais que c'est la source de notre développement dans notre pays. Nous tenons maintenant à demander à notre cher gouvernement qu'il puisse faire tout moins possible pour qu'on puisse mettre à la base les aliments, à savoir les haricots, les riz, ainsi de suite. Et puisque ce sont des choses qu'on remarque pour ces derniers temps, ils ont été revus à la hausse. Et nous demandons aussi à ce que, comme le sucre est là, nous demandons à ce que le ciment de la Bousseco soit aussi là. Même si on a haussé le prix d'un sac de ciment, le ciment reste introuvable. C'était le micro-baladeur de la rédaction. Il s'observe un ravin qui continue à s'agrandir tout près du chef-lieu de la commune Mourgui et qui risque de perturber la circulation routière si rien n'est fait. L'administrateur de la commune Mourgui demande aux bienfaiteurs d'aider dans la construction de murs de soutènement de ce ravin. Le gouverneur de la province Cibitoke, quant à lui, demande à la population de participer aux travaux communautaires dans l'entretien des routes déjà endommagées par l'érosion. Alexis Ndayagiche. Ce ravin se trouve à 1 km du chef-lieu de la commune Mougui, mesure plus de 3 mètres de profondeur, arrivant même dans certains endroits à 4 mètres, mesure également plus de 3 mètres de largeur et s'étend sur plus d'un kilomètre jusque dans la vallée où s'écoulent les eaux passant par ce ravin. Ce dernier alors menace la route, partant de la route nationale numéro 5 de Bouganda vers le chef-lieu de la commune Mougui. À part cette route qui est menacée, les maisons proches de ce ravin risquent également d'être touchées. Et les bénéficiaires de cette route et les propriétaires des maisons menacées par ce ravin demandent la protection de cette route et de ces maisons. L'administrateur de la commune Mougui indique qu'il est au courant de ce ravin, mais que la caisse de la commune n'a pas de moyens suffisants pour la protection de cette route en construisant les murs de soutènement de ce ravin. Il demande seulement aux bienfaiteurs d'aider afin que ce ravin ait solution. Le gouvernement de la pointe Chibitoke, Karim Mizoza, lors du lancement des activités de réhabilitation des routes par les travaux communautaires de Solendi à Mugui, il a demandé à la population de participer massivement dans les travaux communautaires destinés à la réhabilitation des routes surtout menacées par l'érosion, tout en demandant aux autorités administratives de sanctionner les récalcitrants et que les recettes servent aux travaux de développement des communes. Depuis Chibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. L'institution de l'Ombudsman n'a pas travaillé à la satisfaction des citoyens, mais reste malgré tout nécessaire à tout moment. C'est le point de vue d'Agathon Rwasa, président du parti CNL, et qui estime qu'elle devrait être plus autonome qu'elle ne l'est aujourd'hui pour plus d'efficacité. Suivez Agathon Rwasa. Il est vrai que l'institution de l'Ombudsman a été instaurée, évidemment avec un retard significatif, parce que c'est un organe qui aurait dû être déjà sur place depuis 2000, lorsqu'on a signé les accords d'Arusha. Mais vous savez très bien que ça a pris énormément de temps, à telle enseigne qu'on est allé au-delà de 2010 sans que cette institution soit là. Quant à ces prestations, je pourrais dire qu'elles ont été lacunaires, du simple fait que c'est une institution qui a plutôt été comme calquée sur le parti politique qui gouverne. En instituant l'Ombudsman, on a beaucoup plus cherché à placer des gens imbibés de l'idéologie du parti au pouvoir plutôt qu'autre chose. Autrement dit, les intérêts du parti priment sur l'esprit même qui a été à la création de cette institution de l'Ombudsman. Quant à la viabilité de cette institution ou sa pérennisation, c'est une institution qui, du fait même des imperfections des dirigeants, d'hier comme d'aujourd'hui et peut-être pas de demain, c'est une institution qui nécessite d'être toujours là. Maintenant, l'équation qu'il faut résoudre, c'est comment effectivement faire de cette institution une institution autonome qui puisse effectivement rendre service à la fois à la population et au pouvoir en essayant de suppléer au manquement des institutions de l'État dans l'administration de la justice envers les justiciables. Agathon Rwasa, c'est le président du parti CNL et le parti CNDD-FDD au pouvoir a promis de donner également son point de vue dans nos éditions ultérieures. Tout à l'heure, nous voulions également d'autres dispositions en rapport avec le fonctionnement de l'institution de l'Ombudsman. Mais avant cela, je vous l'avais dit dans les titres, il y a eu un sit-in ce mardi des propriétaires de parcelles situées dans le site Kizingwe Bihara devant le ministère des Infrastructures et Logistique. Sociaux. Ils disent qu'ils ont payé tous les frais de viabilisation de ce site situé dans la zone Kanyosha en commune de Mouha. Ces personnes qui se comptent autour de 4000 ménages réclament depuis plus de 10 ans des attestations d'attribution de parcelles. Leurs représentants ont été reçus par le secrétaire permanent au ministère qui les a rassurés que d'ici peu, cette question sera résolue. On fait le point dans ce reportage avec Moïse Misago. Ces propriétaires des parcelles situées dans ce site révèlent que ça fait longtemps qu'ils attendent l'attribution de leurs parcelles sans succès. Après avoir été accueillis par le secrétaire permanent au ministère ayant les logements sociaux dans ses attributions, le secrétaire permanent leur a tranquillisé que d'ici peu, cette question sera résolue. Alexandre Rabonimana, un des représentants de ces propriétaires, se voit rassurant. Il ajoute que le problème était au niveau des listes, citant le secrétaire permanent. Après des échanges que nous avons menés, il nous a déclaré qu'ils avaient attendu une liste définitive produite par la PTKB, qui est une association des propriétaires, liste signée et avouée pour que le ministère puisse trancher cette question. Maintenant, il nous donne un peu d'espoir parce qu'il nous dit que cette liste doit être transmise au sein du Conseil des ministres prochain et que la question sera résolue. Un des propriétaires des parcelles situées dans ce site salue la promesse, mais reste pessimiste au regard des promesses du passé. Et nous disons que la question est compte tenu de la réponse reçue, la question sera bientôt résolue. Mais on ne peut pas, sans toutefois oublier les réponses du passé, puisqu'on nous disait, d'ici peu, vous aurez vos parcelles, mais en vain. Donc, nous restons, mais nous lui avons dit que d'ici un mois, si la question ne sera pas résolue, et les propriétaires reviendront pour demander l'état d'avancement. Le secrétaire permanent au ministère des Infrastructures et des Logements Sociaux rassure ses habitants que le ministère est préoccupé par l'attribution des parcelles de Kizingwe Bihar. Et Jideni Djimbere ajoute que la question sera soumise encore au Conseil des ministres. J'ai pu montrer noir sur blanc l'état d'avancement du traitement des dossiers qui avait trop duré, mais que pour le moment, le ministère a pris sur la main et que depuis qu'il a initié ce processus de traitement de ce dossier, qu'une étape satisfaisante est déjà franchie. Et qu'aujourd'hui, les listes définitives qui émanent de l'association à laquelle ils appartiennent est déjà transmise au ministère pour traitement. Et que puisque le dossier avait transité par le Conseil des ministres, on devait d'abord donner compte à rendre à l'échelle spéciale de l'étape franchie pour recueillir quelques orientations pour le traitement de ce dossier. C'est à la suite de cela qu'on va afficher les listes et aussi pouvoir accueillir les différentes doléances. C'est à ce moment-là que les procédures d'attribution des parcelles, suivant les nouvelles orientations du gouvernement, seront mises en place. Le site de Kizingwe Bihara est bâti sur une superficie de 300 hectares, selon les propriétaires des parcelles dans ce site. Merci Moïse. On revient maintenant sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution de l'Ombudsman. Toute personne lésée qui estime qu'une autorité visée à l'article 6.A n'a pas rempli correctement ses missions peut, par réclamation individuelle, écrite ou déclaration orale faite auprès des autorités habilitées, demander l'intervention de l'Ombudsman. Cela ressort de l'article 10 de la loi du janvier 2013. Pourtant, organisation et fonctionnement de cette institution, néanmoins, ce dernier peut refuser une réclamation pour diverses raisons, entre autres en cas de réclamation manifestement non fondée. Compte rendu de lecture avec Vestine Otoy. Récemment, nous vous avions parlé des missions de l'Ombudsman, comme c'est écrit en son article 6 de la loi du 2013 portant révision de la loi du 2010 portant organisation et fonctionnement de l'Ombudsman. Aujourd'hui, son article 10 précise que toute personne qui estime à l'occasion d'une affaire la concernant qu'une autorité visée à l'article 6.A n'a pas fonctionné conformément à la mission qu'elle doit assurer ou contrevient aux conventions, lois et règlements en vigueur, peut par une réclamation individuelle écrite ou déclaration orale faite auprès des services habilités demander que l'affaire soit traitée par l'Ombudsman. La saisine au niveau de tous les services de l'Ombudsman est gratuite et la réclamation doit porter sur une affaire concrète concernant son auteur. Celle-ci ne doit pas porter sur le fonctionnement de l'administration en général. L'article 11 évoque que l'Ombudsman peut refuser de traiter une réclamation lorsque l'identité du réclamant est inconnue ou la réclamation se porte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la réclamation. Toutefois, lorsqu'un recours administratif ou juridictionnel a été exercé, le délai exigé pour cette procédure n'est pas pris en compte pour l'application de la présente disposition. L'Ombudsman peut également refuser de traiter une réclamation lorsque celle-ci est manifestement non fondée ou quand le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l'autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction. L'Ombudsman informe le réclamant sans délai de sa décision de traiter ou non la réclamation. Le refus de traiter une réclamation est motivé. La décision de l'Ombudsman de ne pas donner suite à une réclamation n'est pas susceptible d'un recours devant une juridiction. L'article 15 révèle que l'examen d'une réclamation est suspendu lorsque les faits font objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours administratif organisé. L'autorité concernée avertit l'Ombudsman du recours introduit et dans ce cas, ce dernier informe le réclamant sans délai de la suspension de l'examen de sa réclamation. L'article 12 montre que l'Ombudsman peut fixer des délais impératifs de réponse aux agents ou services auxquels il adresse des questions dans l'exécution de sa mission. Et l'article 9 détaille que l'Assemblée nationale peut mettre fin aux fonctions de l'Ombudsman à la majorité des 3/4 de ses membres, à sa demande ou lorsque son état de santé compromet gravement l'exercice de sa fonction et après avis d'une commission médicale désignée par le ministre ayant la santé dans ses attributions sur demande du bureau de l'Assemblée nationale ou par révocation s'il exerce une des fonctions incompatibles avec son mandat. Actualité internationale. À 13h10, à Bujumbura et sur l'Isanganiro, nous ouvrons la rubrique internationale de ce journal avant la chronique santé qui bouclera cette édition. En RDC, la Commission électorale nationale indépendante a publié le week-end dernier le calendrier pour les élections 2023. Les grandes dates à retenir. La présidentielle est prévue le 20 décembre 2023. Le 12 mars 2024 devra avoir lieu l'élection des gouverneurs précédée le 24 février par celle des sénateurs, tandis que les conseillers urbains et les bourgmestres devront être connus et installés le 30 mars 2024. Les avocats du Tchad ont annoncé lundi cesser toute activité à partir de ce mardi pendant toute la durée d'un procès de masse de 401 personnes arrêtées pendant et après une manifestation contre le pouvoir réprimé dans le sang le 20 octobre. Ils répondaient à l'appel de l'opposition contre la prolongation de 2 ans au pouvoir du général Mohamed Idriss Déby Itno, proclamé chef de l'État par des militaires le 20 avril 2021 à l'annonce de la mort de son père, le président Idriss Déby Itno, tué au front par des rebelles. Le pouvoir avait reconnu l'arrestation de 601 personnes. Le procès de 401 d'entre eux doit s'ouvrir ce mardi dans l'enceinte de la prison de haute sécurité de Korotoro, notamment pour troubles à l'ordre public et violence. Radio Isanganiro, chronique santé. Les patients souffrant de la rétinopathie diabétique peuvent guérir et ne pas tomber dans la cécité une fois qu'ils se soignent à temps. L'ophtalmologue Lévi Kandeke regrette que beaucoup de patients se rendent compte qu'ils doivent se faire soigner alors que la maladie a déjà touché le centre de l'œil et la rétine. Il conseille aux diabétiques de prendre à cœur qu'ils doivent faire un examen oculaire une fois l'an pour la prévention ou le traitement à temps. Ornella Mucho. Une fois que le patient est diagnostiqué à temps, différents médicaments visant à ralentir l'évolution de la rétinopathie diabétique sont prescrits. L'ophtalmologue Lévi Kandeke indique que le traitement est maintenant disponible au Burundi. Alors, le traitement, ils sont variés en fonction de l'aspect de cette rétine. Nous avons plusieurs formes de traitement et qui sont plus ou moins nouveaux chez nous et qui de plus en plus sont disponibles, que ce soit ici à Bujumbura, l'hôpital militaire, la clinique de l'œil ou même l'hôpital de Kibuye. Donc de plus en plus d'hôpitaux ont ce genre de traitement. Et c'est un traitement qui est fait par laser et qui se fait en dernier recours. Nous avons également des médicaments que nous injectons à l'intérieur de l'œil, qui sont aussi des médicaments assez nouveaux, qui sont très efficaces lorsqu'on s'y met à temps. Si le patient se fait soigner tardivement, le risque est que cette maladie peut conduire à la cécité. Tout dépend du moment dans lequel vous vous faites soigner. Si vous vous faites soigner au bon moment, vous avez une assurance que vous n'allez pas tomber aveugle. Et dans la plupart des cas, la récupération, l'amélioration de la vue est là. Mais elle va bien sûr avec la condition que le diabète soit bien contrôlé. Il est inutile d'essayer de traiter si le diabète n'est pas bien contrôlé non plus. Donc vous comprenez que c'est une collaboration multidisciplinaire entre les ophtalmologistes, les internistes, les diabétologues, etc. Pour éviter une prise en charge tardive et préserver la vision, un examen ophtalmologique une fois par an devra être pratiqué dès que le diabète est confirmé. Il n'y a qu'un seul mode de prévention, c'est un examen annuel du fond d'œil des patients pour essayer de traiter à temps. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de symptômes, donc c'est inutile d'attendre d'avoir des symptômes. Il faut y aller bien avant, quand on n'a aucun symptôme, pour voir l'état de cette rétine. Une deuxième chose, c'est inutile d'aller plusieurs fois. Une seule fois par an suffit. Et même si on est très occupé, je pense qu'on peut toujours trouver une petite heure ou deux pour aller voir son ophtalmologiste et se faire examiner. L'OMS prévoit que d'ici 2030, une personne sur 15 sera touchée à l'échelle planétaire par la rétinopathie diabétique, soit presque 7% des personnes dans le monde. Ainsi, cette maladie est la première cause de malvoyance dans la population active. Et parmi les diabétiques, près de 50% souffrent ou souffriront un jour de la rétinopathie diabétique. Et selon toujours l'OMS, des raisons principales sont évoquées, entre autres le déséquilibre alimentaire et le manque d'activité physique régulière. Ornella Mucho avec Dr. Lévi Kandeke. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Un très bon après-midi. Thank you.